Les rues de Paris par Bathilde Bougnol. Lue par Christiane Johanne. Comines. Philippe de Comines naquit au château de Comines sur la Lys à 2 lieues de Mesnin. Quoique sa famille fût des plus honorables de la province, son éducation, comme il arrivait souvent alors pour les jeunes gentilshommes, fut assez négligée et souvent il regretta de n'avoir pas appris le latin. En 1464, à l'âge de 19 ans, il entra au service de Charles, comte de Charolais, fils du duc de Bourgogne. Au saillir de mon enfance, dit-il, au livre premier de ses mémoires, et en l'âge de pouvoir monter à cheval, je hantais à Lille vers le duc Charles de Bourgogne, lors appelé comte de Charolais, lequel me prit à son service. L'année suivante, 1465, il se trouvait à la bataille de Montlhéry, livré contre les troupes du roi de France par le comte de Charolais et les seigneurs et princes unis pour faire la guerre à leur suzerain. Et fut cette guerre depuis appelée le bien public, pour ce qu'elle s'entreprenoit sous couleur de dire que cesse-toi pour le bien public. Comines, pendant le combat, se tenait auprès du prince, et me trouvait ce jour toujours avec lui, ayant moins de crainte que je n'eus jamais en lieu où je me trouvasse depuis, pour la jeunesse en quoi j'étais, et que je n'avais nulle connaissance du péril. Mais étais ébahi, comme nul n'osait défendre contre tel prince à qui j'étais, estimant que ce fut le plus grand de tous les autres. Ainsi sont gens qui n'ont point d'expérience, dont vient qu'ils soutiennent assez d'argus, arguments mal fondés, et avec peu de raison. Par quoi fait bon user de l'opinion de celui qui dit que l'on ne se repent jamais pour parler peu, mais bien souvent de trop parler. La victoire, après une assez grande effusion de sang, semblait rester indécise, lorsque la retraite du roi pendant la nuit fut regardée par les alliés comme l'aveu d'une défaite. Le comte, en particulier, triomphait d'un succès qui devait être pour son malheur, comme l'historien en fait la remarque, « Tout ce jour demeura encore Monseigneur de Charolais sur le champ, fort joyeux, estimant la gloire être sienne, ce qui depuis lui a coûté bien cher, car, onc puis, il n'usa de conseil d'homme, mais du sien propre. » Et au lieu qu'il était très inutile pour la guerre par avant ce jour, et n'aimait nulle chose qui y appartint, depuis furent muées et changées ses pensées, car il a continué jusque à sa mort, et par là fut finie sa vie et sa maison détruite, et s'il ne l'est pas du tout, si est-elle toute désolée. Comines, devenu chambellan de Charles le Téméraire, qui avait succédé à son père Philippe comme duc de Bourgogne, se trouvait à Péronne lors de l'entrevue du duc avec le roi de France. Louis XI s'était pris à son propre piège en se mettant à la discrétion de celui qu'il espérait tromper. On sait que Charles, ayant acquis la preuve de la trahison du roi qui excitait soumain les Liégeois à la révolte, ordonna de fermer les portes du château et retint le monarque prisonnier. Et dans la première émotion de sa colère, il se fût emporté peut-être aux dernières extrémités s'il n'eût été retenu par ses conseillers dont était Comines, qui réussirent, non sans peine, à réconcilier les deux princes. Comme le duc arriva en sa présence, la voix lui tremblait tant il était ému et près de se courroucer. Il fit humble contenance de corps, mais son geste et parole étaient âpres, demandant au roi s'il ne voulait pas tenir le traité de paix qui avait été écrit et accordé, et si ainsi le voulait jurer, et le roi lui répondit que oui. Ces paroles éjouirent fort le duc, et incontinent fut apporté le dit traité de paix, et fut tiré des coffres du roi la vraie croix que saint Charlemagne portait, qui s'appelle la croix de la victoire, et jurèrent la paix, et tantôt furent sonnées les cloches par la ville, et tout le monde fut fort éjoui. Autrefois a plu au roi me faire cet honneur de dire que j'avais bien servi à cette pacification. En effet, dans ses lettres patentes, plus tard Louis XI déclara qu'il avait obligation à Comines lors de sa détention à Péronne. Louis, qui se connaissait en homme et qui avait vu Comines à l'œuvre, ne négligea rien pour se l'attacher, et il y réussit d'autant mieux que le chambellan de Charles, témoin de ses violences, prévoyait que dans un temps plus ou moins éloigné, ce caractère fougueux et emporté causerait sa ruine. Aussi ne se fit-il pas trop prier pour l'abandonner et passer au service de Louis XI, 1472. Charles, furieux, ordonna la confiscation de tous ses biens. Mais le roi s'empressa de dédommager Comines par le don de riches seigneuries. En outre des terres de Bran et Brandon en Poitou, il lui donna la principauté de Talmont et les seigneuries de Curzon, Olonne, Château-Gontier et les Chaulmes dans le même pays. En 1474, Comines reçut encore en toute propriété la seigneurie de Chaillot, près Paris, et celle de La Chèvre, en Poitou. L'année suivante, il épousa Hélène de Chambre, qui lui apportait en dot la seigneurie d'Argenton et plusieurs autres. Créé sénéchal du Poitou en 1477, Comines se trouvait l'un des personnages les plus importants du royaume et l'un des familiers du roi qu'il eut plusieurs fois l'honneur de recevoir dans son château. On s'explique ainsi que, comblé par le prince de tant de bienfaits, il ne le juge pas avec la même sévérité que la plupart des autres historiens et glisse sur les côtés fâcheux de son caractère sans les dissimuler entièrement. Je trouve donc qu'il y a exagération dans ce jugement de certains biographes. Il est vrai que Comines, le serviteur le plus fidèle et le plus habile de Louis XI, fut aussi le plus dévoué pour tous les actes injustes, cruels et perfides que l'histoire reproche à ce monarque. Il a été beaucoup loué, mais ce qu'on ne peut approuver, c'est le sang-froid avec lequel il parle des actes les plus iniques et les plus révoltants. Il est vrai que des actes auxquels il ne fut pas toujours étranger n'ont pu exciter son indignation. Aussi n'y a-t-il pas plus de leçons de morale à tirer de ses mémoires qu'il n'y en a à prendre dans sa vie publique. Ces affirmations sont assurément beaucoup trop absolues, et il est tel passage des mémoires qui semble les contredire entièrement, celui-ci par exemple relatif à la mort du connétable de Saint-Paul livré au roi par le duc de Bourgogne. Il n'était nul besoin au dit duc, qui était si grand prince, de lui donner une sûreté pour le prendre, et fut grande cruauté de le bailler où il était certain de la mort et pour avarice. Après cette grande honte qu'il se fit, il ne mit guère à recevoir du dommage, et ainsi, à voir les choses que Dieu a faites de notre temps et fait chaque jour, semble qu'il ne veuille rien laisser impuni. Et peut-on voir évidemment que ces étranges ouvrages viennent de lui, car ils sont hors des œuvres de nature et sont des punitions soudaines, et paraît spécial contre ceux qui usent de violence et de cruauté, qui communément ne peuvent être petits personnages, mais très grands de seigneurie ou d'autorité de prince. Livre 4. À propos de la mort du duc de Bourgogne, tué sous les murs de Nancy, il dit encore « Et périt lui et sa maison, comme j'ai dit, au lieu où il avait consenti par avarice de bailler, livrer le connétable, et peu de temps après. Dieu lui veuille pardonner ses péchés, je l'ai vu grand et honorable prince, et autant estimé et requis de ses voisins, un temps a été que nul prince qui fût en chrétienté ou par aventure plus. Je n'ai vu nulle occasion pourquoi plutôt il dut avoir encouru l'ire de Dieu que de ce que toutes les grâces et honneurs qu'il avait reçus en ce monde. Il les estimait tous être procédés de son sens et vertu sans les attribuer à Dieu comme il devait. Livre 5. Comines n'approuve pas, et bien s'en faut, la conduite que tint le roi après la mort du duc, et ses procédés injustes vis-à-vis de l'héritière légitime Marguerite. Mais nonobstant qu'il fût ainsi hors de toute crainte, Dieu ne lui permit pas de prendre cette matière qui était si grande par le bout qu'il la devait prendre, pour joindre à sa couronne toutes ces grandes seigneuries où il ne pouvait prétendre nul bon droit. Ce qu'il devait faire par quelque traité de mariage, ou les attraire à soi par vraie et bonne amitié, comme aisément il le pouvait faire. Mais par aventure, notre Seigneur ne lui voulut pas de tout point accomplir son désir, pour aucune raison que j'ai dite, ou qu'il ne voulait point qu'il usurpât sur ces pays du Hainaut pour ce qu'il n'y avait aucun titre. Voici maintenant comment Comines nous parle de Louis XI dans les derniers temps de sa vie. Le roi s'en retourna à Tours, 1481, et s'enfermait fort, et tellement que peu de gens le voyaient, et entra en merveilleuse suspicion de tout le monde, et avait peur qu'on ne lui ôtât ou diminuât son autorité. Il recula de lui toutes gens qui lui accoutumaient, et les plus prochains qu'il eût jamais. Mais ceci ne dura guère, car il ne vécut point longuement, et fit de bien étranges choses. Notre roi était en ce Plessis, avec peu de gens, sauf Archer, ayant ces suspicions dont j'ai parlé, mais il y avait pourvu, car il ne laissait nul homme, ni en la ville, ni au champ, dont il eût suspicion, mais par archer les en faisait aller et conduire. Il semblait mieux à le voir homme mort que vif, tant était maigre. Ni jamais homme ne l'eût cru. Il se vêtait richement, ce que jamais n'avait accoutumé par avant. Il faisait d'âpres punitions pour être craint et de peur de perdre obéissance, car ainsi me le dit lui-même. Il renvoyait officiers et cassait gendarmes, rognait pensions et en ôtait de tout point, et me dit peu de jours avant sa mort qu'il passait tant à faire et à défaire gens et le faisait de peur qu'on ne le tînt pour mort. Mais tout ainsi qu'à de grands personnages qu'il avait fait mourir de son temps, dont de l'un fit conscience à son trépas et de l'autre non, ce fut du duc de Nemours et du comte de Saint-Paul. Fut signifiée la mort par commissaires députés à ce faire, lesquels commissaires en briefs mots leur déclarèrent leur sentence et baillèrent confesseurs pour disposer de leur conscience en peu d'heures qui leur baillèrent à se faire. Tout ainsi signifièrent à notre roi les deux susdits sa mort en brièves paroles et rudes, disant « Sire, il faut que nous nous acquittions. N'ayez plus d'espérance en ce saint homme, l'ermite Paul, ni en autre chose, car sûrement il est fait de vous, et pour ce pensez à votre conscience, car il n'y a nul remède. » Quelle douleur lui fut d'ouïr cette nouvelle et cette sentence, car onque homme ne craignit plus la mort. Faut revenir à dire qu'ainsi comme de son temps furent trouvées ces mauvaises et diverses prisons, tout ainsi avant mourir il se trouva en semblables et plus grandes prisons, et aussi plus grande peur il eut que ceux qu'il y avait tenus, laquelle chose je tiens à très grande grâce pour lui et pour partie de son purgatoire, et l'ai dit ici pour montrer qu'il n'est nul homme, de quelque dignité qu'il soit, qui ne souffre ou en secret ou en public, et par espécial ceux qui font souffrir les autres. Ce langage n'est pas assurément d'un homme habitué à ne voir et considérer les actes les plus iniques que comme des moyens de succès et ne les juger que par les résultats. La conclusion de ce sixième livre n'est pas moins admirable et le prédicateur dans la chaire ne s'exprimerait pas autrement. Or, voyez-vous, la mort de tant de grands hommes en si peu de temps, qui tant ont travaillé pour s'accroître et pour avoir gloire, et tant en ont souffert de passions et de peines, et abrégé leur vie, et par aventure leurs âmes en pourraient souffrir. N'eût-il pas mieux valu à eux et à tous autres princes et hommes de moyen état, qui ont vécu sous ces grands et vivront sous ceux qui règnent, et lire le moyen chemin en ces choses? C'est à savoir moins se soucier, et moins se travailler, et entreprendre moins de choses, et plus craindre à offenser Dieu, et à persécuter le peuple et leurs voisins, et par tant de voies cruelles que j'ai assez déclarées par-ci devant, et prendre des aises et plaisirs honnêtes? Leur vie en serait plus longue, les maladies en viendraient plus tard, et leur mort en serait plus regrettée, et de plus de gens, et moins désirée, et aurait moins à douter, craindre la mort. Pourrait-on voir de plus beaux exemples pour connaître que c'est peu de choses que de l'homme, et que cette vie est misérable et brève, et que ce n'est rien des grands, et qu'incontinent qu'ils sont morts, tout homme en a le corps en horreur et vitupère, et qu'il faut que l'âme sur l'heure se sépare d'eux et qu'elle aille recevoir son jugement. Et à la vérité, en l'instant que l'âme est séparée du corps, déjà la sentence en est donnée de Dieu, selon les œuvres et mérites du corps, laquelle sentence s'appelle le jugement particulier. Livre 6. Ce langage n'est pas celui du politique, mais du chrétien, amené à la saine appréciation des choses par les malheurs d'autrui et aussi par sa propre et douloureuse expérience. Celle-ci ne manqua pas à Comines, car après la mort de Louis XI, devenu suspect à la régente par suite de ses relations avec le duc d'Orléans depuis Louis XII, il fut arrêté et pendant plus de 2 années retenu dans une étroite prison, bien étroite, pendant 8 mois surtout, puisque c'était une de ces fameuses cages de fer imaginées par Louis XI. Il avait fait de vigoureuses prisons, comme cages de fer et autres de bois, couvertes de plaques de fer par le dehors et par le dedans avec terribles ferrures de quelque 8 pieds de large et de la hauteur d'un homme et 1 pied de plus. Le premier qui les dévisa, essaya, fut l'évêque de Verdun, qui, en la première qui fut faite, fut mis un continent et y a couché 14 ans. Plusieurs l'ont maudit, et moi aussi, qui en ont tâté sous le roi de présent, Charles VIII, l'espace de 8 mois. Rendu à la liberté, Comines retrouva en partie son crédit et fut chargé de plusieurs missions importantes par Charles VIII, auxquelles il rendit de grands services pendant l'expédition d'Italie. Mais, sous le successeur de ce prince, sous Louis XII, pour qui Comines s'était naguère si fort compromis, il ne fut aucunement employé et vécut, qui sait pourquoi, dans une sorte de disgrâce, ce qui lui permit d'ailleurs d'achever tout à loisir la rédaction de ses mémoires. Il mourut en 1509 dans son château d'Argenton. La première édition des mémoires in folle fut publiée à Paris en 1523.